Chapitre 4. Bonne nouvelle, mon cher duc. Laquelle, madame la marquise ? Une résurrection merveilleuse, inattendue. Je devine. Vous voulez parler du vicomte de Beauvilliers ? Précisément. Il nous revient. Il va reparaître dans tout l'éclat de son rang, de sa jeunesse, de sa beauté. À vous entendre, madame, je vois qu'il continue d'avoir toutes les femmes de son côté. Plus que jamais, ce pauvre vicomte. Je ne le plains pas. Son jeu sera magnifique. Il va être le héros de Versailles, au moins durant 15 jours. Telles étaient les conversations qui avaient lieu dans tous les salons. Partout où il se trouvait de personnes réunies, on causait tout d'abord et uniquement de Monsieur de Beauvilliers. Mais ce n'était plus comme l'an passé, avec la consternation sur les traits. Un provincial qui n'aurait pas su que la curiosité faisait le principal fond de l'affaire se serait imaginé que la cour était la patrie de la véritable amitié. Il y avait le soir grande réception chez mesdames. La foule s'y porta. On chuchotait, on regardait à droite et à gauche, on attendait avec impatience. Enfin, le vicomte arriva et son entrée fut un triomphe. Toutes les mains se tendaient vers lui, tous les yeux cherchaient ses yeux. Il ne savait à quoi entendre, à qui répondre, et les questions aussi pleuvaient sur lui. Vainement, il voulait s'en défendre, vainement, il s'était promis de s'envelopper d'un voile impénétrable. La curiosité, surtout celle des femmes, prenait habilement toutes les formes, et il eût été vraiment difficile à Enguerrand de franchir le cercle qui l'entourait, si un incident ne fût venu lui permettre de respirer. La belle princesse de Mortello parut, accompagnée de son époux, l'une parée, souriante, enivrée de joie, l'autre grave et même sombre. Jamais la princesse n'avait été plus belle. Et elle put s'en convaincre au murmure flatteur qui l'accueillit de la part des hommes, à l'expression de dépit qui se lut sur le visage des femmes. Son costume, aussi élégant que riche, ne rehaussait pas médiocrement sa beauté. Sa robe de dessus était de damas vert pomme rayé, bordée d'une dentelle or et argent et doublée de satin azur. Le corsage, garni d'un rang de cette dentelle, ainsi que le casaquin, était de la même étoffe que la robe de dessus. Les parties drapées de la robe étaient disposées par des cordons à glands d'or, les bouts des manches retenus par des rubis. D'autres rubis, enchâssés dans de longues épingles, ornaient la chevelure, tandis que le collier, en magnifique perle blanche, étageait ses 3 fils sur la poitrine de la princesse. À sa vue, Enguerrand tressaillit. Oh, s'il eût écouté son cœur! Avec quel empressement il eût couru au-devant de cette femme, qui, pour le rendre à la liberté, au monde, avait tout bravé. Le regard froid et fixe du prince alla chercher Enguerrand dans la foule, et ce regard l'interrogea plutôt qu'il ne le menaça. Personne, du reste, n'eut à remarquer ce jeu muet, cette entente tacite entre 3 personnes, dont le secret avait été religieusement gardé. Seul le roi connaissait le mystère, et ce fut d'une voix significative qu'il dit à Enguerrand : « Mon cher vicomte, je suis très satisfait de vous voir de retour. Rien désormais ne vous éloignera de nous, soyez-en certain. » Le prince avait parfaitement entendu ces paroles, dont le sens n'était réellement intelligible que pour lui, Léonora et Enguerrand. Celui-ci salua la princesse, puis, fatigué d'un mouvement, d'un bruit dont il avait perdu l'habitude, il demanda du repos à un salon écarté. Quelqu'un l'y avait suivi, c'était Monsieur de Mortello. « Vous, prince ? » s'écria le vicomte en se retournant pour voir cette ombre qui s'attachait à ses pas. « Oui, moi. J'ai besoin de vous parler, monsieur. Ce moment est grave. D'ici à longtemps, je pourrai ne plus ressaisir cette occasion. »« Qu'avez-vous à me dire, prince ? Ce qu'il y a eu entre nous est également gravé dans notre mémoire. Nous n'avons pas besoin d'explications. Vous vous êtes cru offensé. L'arme la plus terrible vous a semblé bonne pour me combattre et m'accabler. La mesure a été égale. Elle ne l'est plus, monsieur, car vous voici libre, heureux, triomphant, et moi je suis humilié, vaincu, désespéré. À qui la faute ? Et d'abord, daignez me répondre, avais-je manqué à l'honneur envers vous ? C'est selon, si nous entendons l'honneur comme le vulgaire le comprend. Vous n'avez pas été l'amant de ma femme, plus fidèle aux mœurs qu'on ne l'est en ce siècle dissipé, où les traditions de la régence n'ont que trop porté de fruits. La princesse a cru sauvegarder mon nom et mon écusson, en s'abstenant de ces relations coupables qui assimilent les femmes de qualité aux plus viles courtisanes. Mais ce qu'elle vous a donné, monsieur, c'est un trésor non moins précieux que sa chasteté. C'était son cœur. ce cœur qui fut à moi, que je me suis toujours efforcé de mériter, ce cœur que je mettais au-dessus de tous les biens de ce monde, et que j'ai perdu, hélas, le jour où, pour mon malheur, elle vous a vu. Voilà ce que vous m'avez pris, et vous ne pouviez rien me prendre qui me fût plus cher. Étonnez-vous après cela de ma fureur, de ma haine, des efforts que j'ai tentés pour vous perdre? Non, monsieur. Quelque violente qu'ait été ma conduite, elle ne saurait avoir votre blâme. L'amour que vous avez ressenti doit vous rendre indulgent pour l'amour qui m'a entraîné. » Le vicomte rêvait en écoutant ces paroles véhémentes, cet aveu, cette triste confession. Malgré lui, sa conscience plaidait en faveur d'un époux qui disait « J'ai tout perdu par vous ». Cependant, il crut devoir repousser une partie de l'accusation en faisant l'objection suivante. « Il se peut, monsieur le prince, que j'ai porté le chagrin dans votre âme. Au moins est-il juste que je vous donne une explication. Cette passion, si coupable à vos yeux, n'eut jamais de caractère visible, éclatant. Elle se renferma dans le silence. Je la combattis longtemps. « Qu'importe, monsieur, si vous y avez cédé !» s'écria impérieusement le prince. « Eh bien, si vous vous jugiez offensé, il fallait en appeler aux lois de l'honneur. Il y a des réparations qu'un gentilhomme ne refuse jamais. L'épée dans votre main eût été plus convenable, plus digne, qu'une lettre de cachet dans votre poche. « Se peut-il ? » dit le prince. « Si je vous offrais la réparation de ma faute en vous demandant celle de vos torts, vous me l'accorderiez ? » « Tout de suite. » « En ce cas, descendons. La lune éclaire le ciel. Il y a dans le parc plus de place qu'il en faut pour combattre. Et mourir. » Monsieur de Mortello entraîna Monsieur de Beauvilliers. Ils allèrent jusqu'au bosquet d'Apollon. Là, ils mirent l'épée à la main. Le prince rompait violemment, ne cherchant qu'à frapper. Son adversaire se contentait de parer. « Vous me ménagez, monsieur le vicomte !» cria le prince, hors de lui-même. « C'est un combat sérieux !» « Je l'entends bien ainsi, » répondit Enguerrand. Alors il parut s'animer et rompit à son tour, mais avec prudence, sans se découvrir, et n'ayant pas d'autre but que de désarmer le prince. Ce n'était pas facile, cependant, et il y parvint. Monsieur de Mortello, résigné, présenta sa poitrine et attendit le coup fatal. Mais Enguerrand alla ramasser l'épée du prince et la lui présenta en disant « Si vous voulez recommencer, je suis à vos ordres. »« Donnez-moi la mort !» s'écria le prince. « Vous en avez le droit. Je l'invoque comme une grâce. Désormais, l'existence ne serait qu'un fardeau pour moi. Ne m'avez-vous pas déjà tué en me ravissant le cœur de Léonora ?» Monsieur de Beauvilliers demeura comme pétrifié devant ce désespoir si vrai, si profond. Il réfléchissait. « Remettez votre épée dans le fourreau, » dit-il enfin, « et rentrons au palais où notre absence trop prolongée pourrait être remarquée. « Moi, rentrer en ce lieu, ne voyez-vous pas mon trouble ?»« Il le faut, cependant. Écoutez, monsieur le prince, il se passe en moi quelque chose d'indéfinissable. »« Expliquez-vous. Je ne le puis. D'ailleurs, ce que j'éprouve est pour moi-même un mystère. Plus tard, j'en saurai davantage. Plus tard, peut-être. En ce moment, ne m'interrogez pas. »« Je n'en aurai pas la force, » murmura le prince. » Enguerrand jeta un regard sur lui et le vit porter un mouchoir à ses yeux baignés de larmes. Lui-même, en cet instant, accablé par son émotion intérieure, par ses pensées secrètes, par cette voix qui s'était fait entendre à son âme, il se jeta sur un banc, le visage entre ses mains. Celui qui eût aperçu et étudié ces deux hommes n'eût pas su lequel avait plus de douleur. Tout à coup, Enguerrand se leva et dit à Monsieur de Mortello : « C'est moi qui ne dois pas, qui ne veux pas. Rentrer dans ses salons. Ils jouent, ils parlent, ils dansent là-bas, ils nouent des intrigues, ils aiguisent des épigrammes, ils sèment des calomnies, le scandale doré, le vice, le tripot, le brelan, la cour enfin, et cela tous les jours, sans trêve, sans repos. Pourrais-je le supporter maintenant? Ne serait-ce pas une torture? Tenez, prince, venez demain matin chez moi, nous parlerons de choses importantes, très importantes, demain. « Sans faute, je vous attends. M'avez-vous compris ?»« Vous pouvez compter sur ma visite, » répondit le prince. « Et sur le secret, n'est-ce pas ?»« Un secret inviolable. C'est bien. »« Oh, je le sens, Dieu m'a parlé !»